insinuerait dans les oreilles des murmures de Saint-Esprit que l'infection, carrément, débarque partout, la folie épidémique. En fait, il y a très peu de... En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Thank you.